La science-fiction dans l'imaginaire collectif, c'est encore souvent ces histoires de héros masculins et musculeux partis à la conquête de nouveaux mondes, on parle bien de conquête, pas de découverte, et qui croisent sur sa route de plantureuses extraterrestres en tenue légère qui finiront invariablement par tomber sous leur charme. Heureusement, dans la réalité, la SF a abandonné pour partie ces vieux clichés rances. Qu'est-ce que la science-fiction, sinon l'imaginaire d'un futur de préférence désirable, un futur affranchi des oppressions contemporaines, un futur divers, marginal, original, multiple, bref, et si la SF était tout compte fait, la littérature queer par excellence. Queer, le mauvais genre de la SF, c'est le programme Déconstruit qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de SF Queer, j'ai l'immense plaisir de recevoir depuis le temps, nous en avions parlé aux Utopiales il y a dans une vie antérieure presque, Sabrina Calvo, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, ravi de vous accueillir au micro de la méthode scientifique. Vous êtes autrice de multiples récits, de nouvelles, de jeux, notamment de Toxoplasma, c'est aux éditions La Volte, Grand Prix de l'Imaginaire 2018. Et nous sommes en ligne avec Eva Sinanian, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Eva. Vous êtes libraire à la librairie LGBT parisienne, récemment déménagée. Et quel déménagement, les mots à la bouche. Mais on commence par, et oui, le dernier journal des sciences de cette cinquième saison. Pour cause d'émission spéciale demain et vendredi, Natacha, c'est un au revoir. Presque. Presque. C'est le journal des sciences en tout cas, on reste encore un peu. Et on commence avec cette étude parue dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society et la plus grande carte de la matière noire jamais réalisée dans l'univers. Oui, la quasi-totalité de notre univers serait composée à plus de 95% d'une matière inconnue, dont 26% de matière noire. Alors depuis la prédiction de cette matière sombre il y a 80 ans, nous ne l'avons encore jamais détectée. Alors pour mieux traquer cette matière insaisissable, une équipe internationale, dont des chercheurs du CNRS, viennent de créer une carte de l'invisible. La plus grande cartographie de la matière noire jamais réalisée. Alors jusqu'à présent, nous n'en avions qu'une petite surface du ciel. Les chercheurs ont utilisé les données du programme DES, le Dark Energy Survey, depuis le télescope Blanco au Chili. Ils ont utilisé les images de plus de 100 millions de galaxies et l'ensemble de données de lentilles gravitationnelles. Car ce qui trahit la matière noire, c'est que sa gravité dévie la trajectoire de la lumière et crée ces effets de lentilles gravitationnelles qui déforment les images de la galaxie dans le ciel. À l'aide de nouvelles méthodes statistiques inspirés de l'IA, ils ont reconstitué cette carte de la matière noire, une carte qui couvre un quart du ciel de l'hémisphère sud. Mais dans quelques années, la mission Euclide de l'ESA et son télescope spatial devraient mesurer plus d'un milliard de galaxies et couvrir près de la moitié du ciel. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'étude concernant cette cartographie de la matière noire sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental, on peut le dire en articulant, sur l'évolution du climat, travaille actuellement sur un sixième rapport d'évaluation. L'AFP a pu consulter ce pré-rapport, Natacha. Pour le moment, il est difficile de commenter un travail qui est toujours en cours. Le rapport d'évaluation complet de 4000 pages devrait être publié le 9 août, après une session d'approbation du 26 juillet au 6 août. Alors selon l'AFP, ce projet de rapport sur les impacts du dérèglement climatique serait plus alarmiste que les précédents. Pénurie d'eau et conséquences sur l'agriculture, catastrophes météorologiques extrêmes, les impacts de la crise actuelle pourraient devenir palpables bien avant 2050. Il se pourrait même qu'une limitation de la hausse des températures à 1,5 degré ne soit pas suffisante et qu'elle aurait des impacts irréversibles pour les systèmes humains et écologiques. Selon une étude parue hier dans la revue Physics of Fluids, les virus pourraient se déplacer sur du pollen en suspension dans l'air. Et un duo de chercheurs a fait une modélisation pour comprendre comment un virus à ARN, tel que le SARS-CoV-2, peut se propager grâce à des grains de pollen. Ils ont simulé un regroupement en plein air de 10 ou de 100 personnes, dont quelques-unes qui répandent des particules de SARS-CoV-2 à 20 mètres d'un saule au printemps. Ces arbres peuvent produire environ 1500 grains de pollen par mètre cube d'air. Ces grains de pollen ont traversé la foule en moins d'une minute et ont ramassé des particules virales. Alors selon ce modèle, ces particules virales peuvent même être transportées sur de longues distances. Alors ce ne sont que des estimations, mais il se pourrait que de forts niveaux de pollen dans l'air puissent augmenter la propagation du virus et les taux d'infection. Et pour finir, une étude parue dans la revue PNAS décrit un phénomène géologique sur Vénus proche de ce qu'on observe sur Terre. Une équipe américaine a cartographié la surface de Vénus grâce aux données de la sonde Magellan dans les années 90. Ils ont découvert que Vénus possède une sorte de tectonique des plaques. Alors pas exactement des plaques tectoniques comme sur Terre, mais d'énormes blocs de croûte planétaire, larges d'une centaine de kilomètres à plus de 1000 kilomètres, et qui se déplacent grâce au flux de chaleur à l'intérieur de la planète. Alors ces blocs ont été baptisés des campis. On en dénombre 58 qui se frottent les uns aux autres. Les futures missions vénusiennes nous en diront plus sur ces campis et sur l'activité géologique de cette planète. Merci beaucoup Natacha. Alors je pourrais vous souhaiter de bonnes vacances, mais pas tout à fait, puisqu'on va vous retrouver à l'antenne début juillet. Et puis vous serez là vendredi pour nous parler de ce nouveau programme d'été Eureka qui sera en lieu et place de la méthode scientifique en juillet et en août. Donc on se retrouve vendredi. À vendredi. À vendredi Natacha. Un peu trop viril et blanc, le milieu de la science-fiction possible. Pendant de nombreuses années, les auteurs de SF étaient des auteurs précisément. Les lecteurs étaient a priori des lecteurs. Le milieu de la SF sentait bon la testostérone et n'était pas d'une folle diversité ethnique. Loin s'en faut. Heureusement, les temps changent, les époques évoluent. Et ce milieu un peu renfermé a commencé à s'ouvrir à la diversité. Ursula Le Guin, Octavia Butler, puis Becky Chambers, River Solomon. En 2012, le prix Hugo, que d'aucuns décrivent comme le plus prestigieux prix anglophone de science-fiction de la nouvelle, a été attribué à Charlie Jane Anders, une autrice trans qui obtiendra le prix Nebula puis le prix Locus. Mais les évolutions se passent rarement sans friction. Les campagnes anti-diversité du groupe Sad Puppies et Rabbit Puppies, des groupuscules virilistes d'extrême droite pour les prix Hugo de 2013 et 2017, montrent que le vieux monde réactionnaire, le parfait patriarcat de babouin, comme l'appelait Ursula Le Guin, résiste encore. Alors qu'est-ce que la SF queer ? La SF serait-elle une littérature queer par essence, preuve que les imaginaires évoluent, le succès populaire d'une série Netflix produite et réalisée par les sœurs Wachowski et qui met au centre de son intrigue des personnages queer et trans, Sense8 a été un vif succès. Salut tout le monde, c'est elle dont j'ai pas arrêté de vous parler. Attends, je te connais toi, t'es le trans qui tient ce blog politique? Bah je suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut laisser tomber LGBT. Eh hey, c'est bon, relax, c'est la fête, non? On s'est battus comme des dingues pour être reconnus. Je trouve juste que ce genre de distinction nous sépare plus qu'autre chose. Mon cul, ouais. Encore un mâle colonisateur qui veut s'approprier le peu d'espace qui reste aux femmes. Sam, tu parles encore comme ça à ma copine et moi je vais coloniser ta gueule à coups de poing. Ah ouais? C'est bon, ouais. Je ouais. Oh c'est bon, c'est qu'une de ces pétasses à grande gueule de Berkeley. Toi, va te faire foutre. Ça sert à rien. Hey, non, Nomi. Putain, quelle conne. Nomi, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas pleurer pour cette connasse? Si je pleure, c'est pas à cause d'elle. Alors pourquoi? Si je pleure, c'est parce que jusque-là, personne n'avait jamais pris ma défense. C'est ce jour-là que j'ai su que je t'aimerais pour toujours. Voilà, extrait du premier épisode de la première saison de Sense8 des sœurs Wachowski. Première série populaire SF et queer. Commentaire libre, Sabrina Calvo, ça vous a plu, vous, Sense8? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ouais. Ouais. C'est important, justement, cette série. Elle marque finalement une sorte, pour la culture populaire télévisuelle, audiovisuelle, qui est peut-être un peu plus large et vaste que la culture SF des lecteurs, elle marque une sorte de bascule ou de changement dans le succès qu'elle a pu rencontrer. Moi, je crois que c'est surtout la trajectoire des sœurs qui, Frey Wachowski, qui a ouvert un champ immense de réflexion et de représentation, quoi. Sense8, ça fait partie de tout ce qu'elles ont fait depuis, en termes esthétiques, en termes culturels et tout, quoi. Donc, moi, je le replacerai plutôt dans leur œuvre en général. Mais, je dirais pas qu'il y a un avant, un après, parce que, pour moi, ça fait partie du même continuum de narration, finalement. Moi, c'est une série qui m'a beaucoup touché. Oui. Mais il y a d'autres représentations aussi du même type, de la même époque, hein, où on voyait déjà les séries s'ouvrir à des représentations de minorités, de marges, de personnes qui hors normes, des choses comme ça, quoi. Mais pendant longtemps, ces représentations, c'était un personnage qu'on ajoutait. Là, c'est le cœur de l'intrigue. C'est-à-dire que vraiment, c'est une série qui parle d'identité, de transformation, de collectivité. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a pris, conscience de la mesure du phénomène social, en fait, à ce moment-là. Et peut-être qu'avant, c'était encore une fois lié très aux individus, aux décisions des individus, au parcours des individus, tous différents. Et donc du coup, j'imagine que avec cette représentation-là, a permis la constitution d'une sorte de communauté d'esprit et de cœur, et que peut-être qu'on vit encore là-dedans un peu. Mais moi, j'ai pas envie de m'enfermer dans la narration. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie de m'enfermer dans celle de Sense8. Bien sûr. Ouais. C'était juste le. Enfin, si j'ai pris cet extrait, c'est parce que c'est de la SF, c'est évidemment du récit fantastique. C'est un très bon exemple. Et c'est par ailleurs extrêmement populaire. Donc c'est vraiment cette bascule qui m'intéressait. Eva Sinanian, ça vous a plu, vous, Sense8? Vous trouvez aussi que c'est tout de même quelque chose d'important par rapport à la diffusion de cette culture queer et SF au grand public? Oui, bah tout à fait. Après, moi, la série m'a un peu perdue dans sa narration de science-fiction, en fait, très honnêtement. J'ai adoré les personnages, mais ça m'a pas intéressé beaucoup plus. Après, j'ai trouvé très important qu'elle ait une deuxième saison, qu'elle ait une conclusion, et j'ai trouvé impressionnant, sans être surprise, qu'elle ait un tel engouement, en fait. Parce que les personnages sont plus vrais que nature. Enfin, c'est des vraies personnes, en fait. C'est des personnes qu'on connaît. C'est une très bonne première saison, effectivement, en termes de qualité de la narration. On peut questionner la deuxième et la conclusion. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que je posais dans l'introduction cette question. Finalement, est-ce que quand on la prend aujourd'hui, avec le regard contemporain et l'évolution du regard sur les questions de genre du 21e siècle, cette problématique ou cette idée, d'ailleurs, que Émilie Noteris, qui se décrit elle-même comme travailleuse du texte, écrit dans La fiction réparatrice, j'avais écrit que la théorie queer était une science-fiction, puisque dans la science-fiction, on voit qu'il y a des mondes qui se développent et qui sont divisés sur d'autres bases que les bases sexuelles, par aptitude, par sentiment. Ce ne sont pas forcément des sociétés dans lesquelles il y a des hommes d'un côté et de l'autre des femmes. On invente d'autres modes de relations, interspécistes, interindividuelles. C'est une autre manière de comprendre la théorie queer qui peut fonctionner avec des spéculations déjà active, des choses déjà présentes, d'où la question que je pose pour cette émission, est-ce que finalement, si on y regarde d'un peu plus près, la science-fiction ne serait pas l'essence, ontologiquement, une littérature queer, Sabrina Calvo? Wow, tout de suite les gros mots, ontologique, bravo. Moi, je me rappelle d'une interview que j'avais donnée il y a peut-être plus de 10 ans, une quinzaine d'années, où la personne m'avait demandé si je faisais de la science-fiction, et à l'époque, j'avais répondu, c'était le début de mon vrai questionnement, de savoir pourquoi est-ce que j'écris finalement et qu'est-ce que j'écrivais, et j'avais répondu que j'écrivais pas de la science-fiction, que j'étais de la science-fiction en fait, et c'était à ce moment-là que ça m'avait paru absolument parfaitement arrogant, et j'étais contente d'avoir été arrogante sur ce coup-là, parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait il n'y a pas tant de différence entre le moment présent et la science-fiction, quoi. La science-fiction elle est là pour parler de ce qu'on vit, elle est là pour parler de ce qu'on ressent et de comment potentiellement des poètes ou des visionnaires ou des gens qui sont plus analytiques peuvent projeter ces situations présentes vers des espèces de futurs plus ou moins hypothétiques, plus ou moins noirs, plus ou moins glorieux, plus ou moins lumière. Plus ou moins désirable, on en reparlera parce que c'est l'un de vos concepts, le futur désirable. Ouais, enfin, c'est quelque chose auquel c'est pas mon concept, travailler, mais c'est des concepts militants. Et donc, du coup, pour moi, c'est. Pour moi, j'ai pas tout de suite perçu, si vous voulez, la queeritude de mon travail, ou même j'ai même pas tout de suite perçu la queeritude de la SF, parce que pour moi, le queer, enfin en tout cas ce qu'on a appelé le queer et qui moi me semble être un mot valise encore un peu trop restrictif, même si on a besoin quand même d'un mot pour décrire ce qui se passe dans le hors norme, quoi. C'est-à-dire où, là, dans cet espace où naviguent toutes ces transitions d'étiquettes, toutes ces non-étiquettes, toutes ces interactions d'étiquettes, tous ces symboles et toutes ces relations de symboles, quoi. Donc, moi, je saurais pas dire si oui ou non la SF ontologiquement est queer, mais par contre, j'ai envie de dire que la SF que moi j'aime, elle est queer, quoi, parce que voilà, quoi. J'ai aussi besoin de me retrouver dans quelque chose. Et j'ai été extrêmement heureuse de voir monter ces mouvements, de voir monter ces autrices et ces auteurs, et c'était incroyable de voir naître finalement ce collectif d'écriture, dans d'autres endroits aussi, hein, puisque moi le queer je l'ai pas forcément vécu en littérature tout de suite, hein, je l'ai plus vécu dans le jeu vidéo ou des choses comme ça, ou la poésie. Eva Sinanian, votre opinion, votre avis sur ce lien entre SF et queer et littérature queer, est-ce que les deux sont finalement beaucoup plus liés que l'histoire de la science-fiction ne l'a montré dans les années précédentes? Oui, de façon assez radicale. Oui, je pense qu'en fait la science-fiction, elle est un grand terrain potentiel d'exploration queer. Et moi, je voulais juste qu'on s'attarde une seconde. Sabrina l'a dit, queer, c'est un terme qui regroupe beaucoup de choses, qui est utilisé dans beaucoup de circonstances. Et moi, c'est très dur, en fait, de définir queer. Queer, à la base, c'est une insulte. qui a été réapproprié, en fait, qui veut dire quelque chose de tordu, de bizarre. Donc, de base, c'est quand même quelque chose qu'on peut facilement imaginer s'intégrer à la science-fiction. C'est un mot anglais, donc. Il est parfois utilisé comme une sorte de terme englobant ce qu'on dit souvent être LGBT, lesbienne, gay, bi et trans. Mais il inclut aussi, dans une autre acceptation, une volonté politique de remettre en question, en fait, le paradigme hétéronormatif et cisgenre. Et moi, c'est plutôt cette science-fiction queer-là qui m'intéresse, parce que je pense qu'on peut aussi être une personne lesbienne, gay, bi ou trans et pas se sentir concernée par les questions queer, pour plein de raisons. Et à mon sens, il y a d'une part une SF qui va être féministe et LGBT, et aussi une SF queer. Les deux peuvent se recouper, mais ne sont pas forcément la même. Mais je sais que je vais dans le détail vraiment hardcore. Non, mais au contraire, c'est exactement là où on a envie d'aller avec vous, Eva Sinanian, et comprendre un peu, évidemment, cette notion même de queer. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, Sabrina Calvo, c'est un peu une étiquette. Parfois, d'ailleurs, certains auteurs, certaines autrices, ou certains producteurs, ou certains diffuseurs s'en servent un peu comme d'une estampille. On pourra d'ailleurs y revenir. Aujourd'hui, toute littérature de science-fiction queer, c'est aussi d'une façon de renouer avec une science-fiction qui est politique, puisque la SF est, on en a déjà beaucoup parlé à ce micro, une littérature qui est souvent et qui a souvent eu vertu à être une littérature essentiellement politique avant d'être finalement fictionnelle ou narrative. Ah oui, moi je suis intimement persuadé que ça l'est. Alors après, est-ce que c'est du texte militant, est-ce que c'est de l'art militant, ça je j'ai pas envie d'aller jusque là, mais en tout cas que nous faisons, est-ce que nous écrivons, est-ce que nous ressentons, est-ce que nous exprimons, que ce soit politique, oui. Aujourd'hui, ça me paraît être un très gros enjeu. On peut pas esquiver ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et la science-fiction a toujours été politique. C'est juste que quand elle s'est politisée un tout petit peu plus à gauche et quand elle s'est politisée un tout petit peu plus dans les marges, on a eu des levées de boucliers de la part de réactionnaires qui disaient il faut pas de politique dans la science-fiction. Il faut qu'on garde la science-fiction dans l'entertainment, machin, etc. Mais ça, c'est du flan, on le sait très bien. La neutralité est de droite. et du coup, dans la science-fiction, on s'est pris la réaction aussi. Et encore aujourd'hui, hein, on va avoir des gens qui vont critiquer des bouquins qui sortent, parce que il y a trop de représentations LGBT dedans, par exemple, ce qui a été le cas dans la santé, je crois, qui est un bouquin qui a amené une force de d'écriture et de sujets sur un sujet essentiel qu'est la santé et qui a été taillé de militantiste, quoi. Enfin, je veux dire. C'est Demain la santé qui est un recueil de nouvelles publiées aux éditions La Vol, dont nous avons parlé à ce micro et qui effectivement se projette dans un futur proche, dans lequel vous avez d'ailleurs écrit un récit et qui parle évidemment des liens qui fait de l'anticipation sur la question de la santé, de l'évolution des corps, du care aussi, dont on pourra reparler d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et l'idée, c'est pas de faire de la pub pour ce bouquin. L'idée, c'est vraiment de dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, faire de la politique de marge, de la politique de gauche, de la politique de on va dire un peu militante, ou même si vous voulez aller sur les questions d'Antifa, ou si vous voulez aller sur ces questions-là de démocratie directe, d'organisation différente, de négation de la hiérarchie, vous êtes taxé de militant, quoi. Vraiment, quoi. Alors que on peut parler de colonisation dans la science-fiction, c'est pas un problème, on n'est pas des militants de la science-fiction, quoi. On s'inscrit dans un courant historique normatif, viriliste de la science-fiction, et là par contre, il n'y a personne qui gueule, quoi. Donc il y a une hypocrisie énorme, quoi. Eva Sinanian, vous partagez ce point de vue, c'est la SF queer, c'est finalement la continuité logique d'une littérature qui est une littérature foncièrement politique, comme là aussi ça a déjà souvent été évoqué à ce micro. Oui, mais en fait, moi, je pense surtout que toute la SF avec cette portée, alors pas forcément politique, mais en fait tout simplement autre, cette portée de l'altérité, de la sortie de la norme du mec blanc cis-hétéro qui va conquérir une planète et baiser ce qu'il trouve, en fait, elle est là depuis longtemps. C'est juste que elle est cachée, il faut aller la chercher. Si en plus on veut lire si on parle pas anglais. Il faut vraiment aller suivre tous les bouquinistes de SF d'occasion pour trouver un bouquin de Johanna Russ, un bouquin avec une préface de Pamela Sargent. Enfin, c'est vraiment un boulot incroyable que d'essayer de retrouver ce patrimoine littéraire parce qu'il a été juste tout simplement écarté des intérêts pour des raisons que j'ignore, parce que moi, j'étais pas là à ce moment-là. Donc je vais pas présumer, on va être gentil. Mais voilà, c'est un boulot en fait en soi, et il y a aujourd'hui, moi ça fait quelques années que je m'intéresse vraiment de très très près à tout ça, et je suis pas la seule, il y a d'autres personnes, il y a d'autres groupes qui se créent de personnes qui s'intéressent à cette ESF queer, à cette ESF féministe, à une ESF qui date des années quand même 60-70, évidemment. Enfin, je dirais évidemment, parce que ça paraît logique dans la façon dont les différentes communautés et personnes marginalisées ont essayé de s'organiser, en fait, à partir de là. Évidemment, ça s'est traduit dans la littérature, dans des fanzines, dans des romans, et dans de l'appropriation de l'espace. Et bien évidemment, à chaque fois qu'on essaye de s'approprier l'espace, bah, comme dit Sabrina, on se fait ramener à l'ordre. Et quand on décide d'aller faire nos propres espaces, on se fait également ramener à l'ordre. Quand on décide d'écrire d'autres récits, on se fait ramener à l'ordre, parce que c'est profondément dérangeant. Et ça va être les choses que théorise, par exemple, Donna Haraway ou Yann Larue, dans des livres qui parlent de science-fiction et de queer. Et Yann Larue qu'on avait reçu d'ailleurs, et on va revenir hein, sur ces jalons importants. Vous évoquez Donna Haraway qui a écrit cet essai essentiel sur la machine cyborg. On va y revenir tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne un peu justement sur l'histoire et sur les premières autrices, les premiers auteurs queer, lesbiennes, gays, bi, trans ou plus, qui ont commencé justement à déverrouiller ce système et interroger ce qu'a pu être d'ailleurs ce système de science-fiction que l'on regarde aujourd'hui avec les yeux de la contemporanéité comme une science-fiction effectivement assez blanche, assez monocolore, masculine et certainement un peu viriliste. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc de science-fiction queer aujourd'hui en compagnie de Sabrina Calvo et d'Eva Sinanian. La question que je voulais vous poser, c'est que si il est évident quand on regarde et quand la liste des auteurs, et je dis auteurs au masculin volontairement, de l'âge d'or de la science-fiction, quand on parle de cette image d'Épinal que vient de reprendre Eva Sinanian, c'est-à-dire de l'homme qui va conquérir une planète et qui séduit, pour ne pas réutiliser exactement la même expression, les extraterrestres soumises à son désir masculin, on parle aussi d'une certaine science-fiction d'exploitation et on met de côté des auteurs qui ont pensé un peu différemment, qui ont pensé dans un cadre qui était le cadre des années 60-70, qui interrogeait beaucoup moins la question de la domination masculine, etc. Mais voilà, il y a tout de même des auteurs qui ont proposé d'autres formes de réflexion sur des sociétés qui étaient juste centrées par les questions politiques qui étaient celles de leur époque, Sabrina Calvo. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah ouais, non, mais complètement. Mais je vais laisser Eva peut-être répondre à ça, parce que moi, je suis un tout petit peu moins pointu sur les auteurs et les autrices, parce que moi, j'ai que mon ressenti perso là-dessus, mais peut-être que... Mais votre ressenti perso m'intéresse, par ailleurs. Moi, le truc, c'est que... Enfin, oui, moi, j'imagine que quelqu'un comme Samuel Delany, par exemple, c'est quelqu'un qui a formulé de manière... Alors, je sais pas si c'est informel ou si c'est plus discrète, mais une science-fiction queer qui aujourd'hui est encore visionnaire, complètement, quoi. Et relire Delany aujourd'hui, c'est quelque chose, quoi. Moi, j'ai lu un certain nombre de choses, mais tardivement, parce que, encore une fois, moi, j'ai pas trouvé le... C'est étonnamment, alors peut-être en contradiction totale avec moi-même tout le temps, mais c'est pas dans la science-fiction que j'ai trouvé le queer, quoi. Le seul endroit où j'ai vraiment trouvé le queer, je me souviens, j'étais assez jeune, hein, je devais avoir 12-13 ans, peut-être un peu plus, c'était à la sortie d'Imagica, un bouquin de Clive Barker, et il y avait un personnage dedans, Clive Barker, qui est quand même quelqu'un qui a beaucoup œuvré aussi à l'ouverture considérable de la fantastique. Clive Barker, qui est un auteur d'horreur en général, qui est le père, on le connaît surtout pour Hellraiser, mais qui a écrit un certain nombre de livres très. Beaucoup de fantasy. Beaucoup de fantaisie et souvent assez violente, voilà. Ouais, c'est violent, mais c'est parce que ça parle beaucoup du corps aussi, Clive Barker. Ça parle beaucoup de sexualité. Lui-même est un auteur queer. Enfin, lui, en tout cas, lui, c'est jamais vraiment défini correctement. Mm-hmm. Mais et donc dans Imagica, il y a ce personnage qui s'appelle Pihopa et qui est un mystif, qui est une créature, un assassin, une espèce d'assassin interdimensionnel et qui change de corps, et qui change de forme, qui s'adapte au désir des autres et tout. Et moi, quand j'ai lu ce personnage, j'ai été extrêmement ému par ce personnage. C'est quelque chose où je me suis dit, mon Dieu, mais on peut envisager de la douceur, on peut envisager une autre manière d'être à la peau, c'est un personnage qui m'a énormément ému. Mais il a fallu très longtemps, moi, pour que j'accepte de lire de la littérature queer qui soit pas simplement l'expression d'une bizarrerie chez une poétesse comme Emily Dickinson ou mais ça faut. et en fait, moi, le queer, pour moi, ça a toujours été plutôt la question de l'intimité plutôt que la question de la représentation. C'est-à-dire que c'est, si j'aime autant ça faut, c'est précisément parce qu'elle a réussi à élever l'inspiration de ses poèmes à une inspiration de frôlement intime avec l'autre. Et c'est dans cette description extrêmement nuancée du sentiment qui peut pas vraiment se dire et qui peut pas vraiment se comprendre et qui peut pas vraiment se nommer, sur lesquels on peut pas vraiment mettre d'étiquette et qui en même temps, et qui disparaîtrait au moment où on le laisserait apparaître, donc qui ne peut être que fragment de soupir, quoi. Ben moi, j'ai trouvé le queer là, c'est-à-dire moi, j'ai trouvé, c'est dans cet espace-là que j'ai vu l'ambiguïté, que j'ai vu le diagonal, que j'ai vu l'antre des sentiments, quoi. Eva Sinanian, pour reformuler peut-être de manière plus précise ma question initiale et pour reprendre d'autres mots d'Émilie Noteris qui a écrit des choses assez intéressantes sur ce sujet, Émilie Noteris dit une grande partie de la SF n'a fait finalement que reconduire les normes et les empirer. Est-ce que c'est une sorte de façon de résumer ce qu'a pu être l'âge d'or de la SF? Alors sans doute, je pense qu'après c'est des choses qui se font pas à dessein. Bien sûr. Parce que pour ne pas les reproduire, il faut avoir le temps ou l'envie d'y réfléchir. Par contre, ce qu'on sait, c'est que sur les publications de l'âge d'or, il y avait aussi, au-delà du fait que des femmes, par exemple, ou des personnes queer avaient moins de capacité à aller prendre le temps d'écrire et de postuler et d'envoyer leurs nouvelles, il y avait aussi une discrimination qui se faisait au moment des textes. Alors là, j'ai pas les sources sous la main, mais c'est maintenant quelque chose d'assez connu. Donc en fait, il y a eu aussi tout un moment où l'accès à la science-fiction était... presque restreint, en fait, à toute personne qui n'était pas du même sérail, en fait, que les décideurs, que les gens qui publiaient. Ça, évidemment, ça a changé. Je pense qu'il y a, comme dans toute la littérature et dans toute la culture, en fait, tout un pan d'œuvres qui ne verra jamais le jour et qui nous sera à tout jamais, caché, de gens qui ont sans doute écrit, qui ont sans doute imaginé et qu'on ne saura pas. Et ça, c'est quelque chose d'assez, d'assez douloureux. Étrangement, cette absence, parce que moi j'aurais bien aimé qu'on me dise de lire, je sais pas, un truc qui est comme Fondation, mais où j'existe, ce serait incroyable. Moi, la première fois que j'ai vu un livre où à la fois j'existais et où surtout une sensibilité était proche de la mienne, c'était La parabole du semeur d'Octavia Butler, et qui m'a fait basculer définitivement dans la SF. Parce que je l'ai lu il y a hyper longtemps. Mais je me rappelle m'être dit, ok, là, dans ce futur-là, même s'il est dur, même s'il est affreux, même si c'est une dystopie, j'ai envie d'aller avec ces gens. Ces gens m'accepteront. Et ça, c'est quelque chose, je pense, quand on n'est pas concerné, sans doute qu'on ne se rend pas compte du soulagement d'exister dans un récit, en fait. Voilà. Et surtout dans un récit du futur, parce que quand on adore la science-fiction, quand on aime avoir ce vertige de réfléchir à toutes ces possibilités, bah, on a un peu envie d'y être, en fait. L'une des premières autrices qui est assez communément citée comme étant bien l'une de celles qui ont contribué à décloisonner ce genre de la science-fiction, c'est évidemment Ursula Le Guin. Nous y avons d'ailleurs consacré une émission entière avec, on prend souvent comme exemple La main gauche de la nuit, et ces populations agenrées qui vont pouvoir bien prendre un sexe ou l'autre aléatoirement au moment du pic hormonal mensuel. C'est aussi avec Ursula Le Guin et Eva Sinanian une formalisation théorique, hein, puisque très vite elle commence à écrire des essais où elle pose justement la question, bien non seulement de la place des femmes, mais aussi de la place justement des différentes communautés, différentes minorités sexuelles dans ces univers imaginaires qui sont des univers politiques et des univers d'anticipation où justement tout peut être créé. Et donc vous pouvez nous dire peut-être un mot justement de son importance et de son rôle central dans l'ouverture de ces littératures. Ursula Le Guin, elle a un peu ouvert une voie je crois que c'était 69 ou 68 pour La main gauche de la nuit. C'est quand même quelque chose d'assez, quand on lit aujourd'hui, ça reste très contemporain, ça reste des préoccupations extrêmement actuelles, mais dans beaucoup de ses nouvelles ou de ses autres romans, en effet, on voit des personnages qui ont des cultures variées, qui sont pas tous blancs, qui sont pas tous masculins. En fait, elle revient elle-même au fur et à mesure de sa propre carrière d'autrice via des écrits théoriques sur sa façon d'écrire ses livres. Et quand on lit par exemple un des derniers livres du cycle de l'écumène qui est le Didaka, dans le Didaka, son personnage principal non seulement est une femme et également lesbienne et non blanche, bon, c'est pas pour faire un bingo, c'est hyper intéressant et important dans le livre, cette identité. Et elle nous parle d'homophobie, mais elle nous parle surtout d'oppression générale entre deux planètes et de la façon dont les personnes sont empêchées d'être elles-mêmes ou de vivre leur culture. Et dans ce livre, elle applique également une autre théorie qu'elle a développée en littérature, qui fait parler aujourd'hui, en fait, il y a pas mal de personnes qui la reprennent, qui est la théorie du panier fiction, où elle explique que notre façon de raconter des histoires, du moins dans le monde occidental, est beaucoup centrée sur le fait d'avoir un grand héros qui va accomplir une grande action et ramener le produit de cette grande action dans sa société. Et elle propose de remettre en avant des fictions qui seraient des fictions entre guillemets de cueilleurs, de cueillettes, et qui sont des récoltes d'histoires qui ne sont pas obligatoirement avec un but victorieux, qui ne sont pas obligatoirement avec un but de conquête, mais qui sont là pour la rencontre, le partage et le fait d'avancer ensemble et de se nourrir de ce qu'on peut s'apporter. Et dans Ludit Dakar, en fait, elle applique exactement ça. Et c'est très intéressant de le relire en connaissant à la fois ses avancées théoriques, elle, de ce qu'elle a appris et théorisé au cours de sa vie et de ce qu'elle a dit de ses propres textes. Ursula Guin qui dit à ce propos, l'essai s'appelle The Carrier Bag Theory of Fiction, donc la théorie du panier de la fiction. Elle évoque le fait que le premier outil n'est pas une arme mais un panier pour transporter la nourriture. Et j'en avais pris un extrait parce que je le trouve effectivement extrêmement parlant. Si on évite le mode techno-héroïque linéaire et progressif épousant la flèche mortelle du temps, si on redéfinit la technologie et la science comme le panier culturel primordial plutôt que comme une arme de domination, alors nous aurons, effet secondaire plutôt plaisant, la possibilité d'envisager la science-fiction comme un champ bien moins rigide et étroit, pas nécessairement prométhéen ou apocalyptique, et comme un genre en fait moins mythologique que réaliste. C'est un étrange réalisme, mais la réalité est étrange. Eva Sinani, en commentaire libre. Commentaire libre. Je conseille, en plus de ces essais d'Ursula Le Guin, d'aller lire le dernier livre d'Alice Zeniter qui parle de ça, qui s'inspirait énormément de ça et qui en plus est absolument hilarant. Donc voilà. Et en vrai, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices aujourd'hui qui, le voulant ou pas en tout cas, mettent en action cette façon d'envisager la science-fiction. Et c'est ce que moi j'aurais tendance à qualifier de SF queer, parce qu'il y a cette façon de vouloir créer du récit, mais également de mettre en scène des sociétés qui dénotent très particulièrement de celles qu'on connaît aujourd'hui. Sabrina Cavo, un mot à propos de cette théorie du panier ou de cette citation d'Ursula Le Guin. Pour moi c'est le Graal, parce que moi je m'interroge sur la structure narrative depuis le début. J'ai commencé par écrire des romans extrêmement banals, en fait. À un moment donné, je me suis déconstruit en essayant d'arriver justement à des ensembles d'histoires qui pourraient avancer entre elles. J'avais fait un bouquin qui s'appelait Acide Organique, parce que j'en pouvais plus d'écrire des romans déjà, quoi. Et puis ça a pas marché. Alors peut-être que j'étais pas assez bonne, ou parce que effectivement éditorialement en France c'est plus difficile d'avoir accès à de l'attention sur le fragment plutôt que de l'attention sur la grosse histoire, quoi. Et puis il y a eu un hijacking du storytelling sur la narration, et aujourd'hui on attend du storytelling qui soit quelque chose plutôt qu'autre chose, et c'est très très dur de sortir de ces structures, c'est très très dur de sortir de ces attentes, de ces processus. Alors on commence à s'interroger, parce que moi, ayant pu travailler sur d'autres formats comme le jeu vidéo, les mondes virtuels ou même la mode, des choses comme ça, où la narration c'est quelque chose qui est tout autre, et c'est quelque chose qui doit être déduit vraiment de la pratique créative. Est-ce que la déduction d'une pratique queer du réalisme de science-fiction, d'une certaine manière, j'aime énormément cette idée, je trouve que c'est vraiment une très belle idée, quoi. Pour moi, ça serait déjà de voir comment est-ce qu'on pourrait commencer à produire du récit. Mais c'est déjà le cas, en fait, il y a déjà plein de gens sur internet qui font ça, il y a plein de gens qui vraiment travaillent à l'idée de se dire le profit c'est pas forcément ce qui nous obsède, donc pas vendre forcément une forme romanesque, mais par contre essayer de s'interroger sur des manières de construire des récits ensemble, sur des manières de ramener une forme d'oralité aussi, c'est très importante, le retour à cette participation, le retour à des traces qui resteraient de récits qui ont été prononcés et qui auraient disparu et dont on se souviendrait, plutôt d'essayer de les contrôler. Donc tout ça, finalement, ça fait appel à notre virilité, à notre refus de virilité, société, notre refus de s'approprier les choses, notre refus de les consommer aussi. Et je pense que la science-fiction a été à un moment donné le témoin de cette orgie, de cette ogritude de la société, de la civilisation. C'est-à-dire, on veut tout bouffer, quoi. On veut tout pour nous. On a pas d'horizon. Et pendant longtemps, moi, quand on m'a posé la question, est-ce que vous pensez que la conquête spatiale c'est possible, moi, j'ai dit oui, mais c'est possible, mais c'est peut-être pas envisageable, c'est peut-être pas désirable, parce que vu ce qu'on a fait sur Terre, balancer des millions d'êtres humains dans l'espace à faire n'importe quoi dans des vaisseaux pourris sur des planètes. Enfin, je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'on a vraiment mérité dans l'espace? Moi, je crois pas. On n'est pas debout encore, quoi. J'ai regardé des émissions il y a pas longtemps sur des gars qui se touchaient sur l'échelle de Kardashev là pour savoir si oui ou non on pouvait atteindre un stade 2 pour pouvoir récupérer l'énergie de la Terre entièrement d'une étoile et tout. Mais en fait, on en est même pas encore. On est encore à penser que les éoles c'est moche, parce que vous voyez. Donc on est très loin du compte finalement. Donc le queer, c'est pour moi, c'est aujourd'hui, c'est l'espoir. C'est-à-dire que c'est le seul endroit où aujourd'hui il y a des yeux ouverts sur dire mais attendez, mais si on continue à penser notre monde et donc la structure narrative de notre monde telle que les récits abrahamiques l'ont fait et dont finalement aujourd'hui la fiction storytelling continue à emprunter le chemin en permanence. Netflix, c'est que ça, c'est que du mythe du héros, c'est que ça. Et comment on arrive à l'expression du fluide, à l'expression de l'invisible, à l'expression de la nuance avant d'arriver à l'expression des certitudes et des trajectoires linéaires où il y a forcément gain, progrès, récupération, voilà, tout ça c'est des vraies questions. Alors peut-être parler plus en termes de spirale, plus en termes de, on peut pas parler en termes de d'approfondissement des choses avec les autres, de silence, d'apprendre à aussi mesurer le tempo finalement des narrations pour que à aucun moment elles soient dans une orgie de d'escalade d'elle-même, dans une espèce de dramaturgie traditionnelle de l'exposition, du développement et du climax, mais qu'on soit plutôt dans des choses qui se ralentissent ou des choses qui disparaissent ou des choses qui apparaissent après d'avoir été pendant très longtemps abstraites, vous voyez. Donc il y a énormément de choses imprécises qui peuvent se préciser à travers la littérature de science-fiction queer, je pense, et qui sont en train de se manifester très clairement. Mais ça reste marginal parce que encore une fois, aujourd'hui, on a un modèle éditorial qui, en France notamment, qui fait le pont d'or au roman, quoi. Et le roman est censé être le modèle. Alors, je dis pas qu'il y a pas des romans qui s'interrogent sur la narration et sur leur structure, mais il faut falloir repenser considérablement même le rapport entre l'autrice et le lectorat, il faut tout repenser en fait, quoi. Si on veut vraiment aller dans ce qu'est le queer, quoi, faut arrêter de se dire qu'on peut le faire à l'intérieur d'un parc d'attractions que le patriarcat nous aurait créé pour qu'on fasse bubus dedans, quoi. Et d'ailleurs c'est très pratique de penser comme ça, parce que comme ça du coup les queers se font accuser d'être des libéraux, des alliés de libéralisme, alors qu'en fait pas du tout. C'est juste que voilà, il y a une captation en tout cas de cette énergie de l'espoir par le capital aujourd'hui, quoi. On va voir dans quelques minutes, dans la deuxième partie de cette émission, qu'il y a heureusement certainement de plus en plus d'autrices et d'auteurs qui commencent à essayer de défricher ces terrains vierges de l'imaginaire, cette réalité étrange dont parlait Ursula Le Guin en parlant de science-fiction. On va aussi se poser la question de la projection dans ce futur désirable que vous évoquez à plusieurs reprises, Sabrina Calvo. Est-ce que la SF queer, c'est peut-être en finir avec ce qu'Ursula Le Guin décrivait comme l'apocalyptisme ou le référent prométhéen? On en parle dans un instant. Yeah. Souterrain de Cassidy à 16h40 sur France Culture. Nous parlons de science-fiction queer pour cette antépénultième émission de la cinquième saison de la méthode scientifique. Nous en parlons avec Sabrina Calvo, autrice notamment de Toxoplasma aux éditions La Volte, Grand Prix de l'Imaginaire 2018, et avec Eva Sinanian qui est libraire à la librairie LGBT parisienne Les Mots à la Bouche. Alors justement, Eva Sinanian, cette question, est-ce que on voit aujourd'hui dans chez des autrices et des auteurs, je pense par exemple à Ada Palmer, à River Solomon, à des autrices ou des auteurs queer, non-binaires, trans, LGBTQI+, une autre forme, on parle parfois de solarpunk, ou en tout cas d'une science-fiction qui a abandonné les oripeaux du catastrophisme, de l'apocalypse, du post-apocalyptisme, d'un tableau noir du futur. Est-ce que la SF queer est une certaine forme de réenchantement de la science-fiction ? Wow. Vaste question. Oui, très très vaste. Je pense que ça dépend déjà des auteurs, des autrices. Pour les personnes que vous avez citées, je dirais oui. Et je dirais notamment, par exemple, dans le cas de River Solomon, de Becky Chambers ou de Ada Palmer, oui, mais avec en plus une réflexion assez profonde sur comment et pourquoi on pourrait avoir d'autres façons de faire. Elles mettent en scène, c'est elle et Yael mettent en scène différentes façons d'imaginer des récits, des futurs ou des présents alternatifs pour nous amener à réfléchir en fait et nous amener à déconstruire, à peut-être carrément remettre en question les sociétés dans lesquelles on vit. Je pense notamment à Ada Palmer, elle le fait vraiment très très bien dans la deuxième partie, dans le deuxième de ses romans. Donc, je suis désolée, ça va être du spoil. Attention pour le spoil. Je vais gâcher une partie de l'intrigue. Parce qu'elle met en scène une société qui est quasi utopique grâce à l'arrivée des voitures volantes. La famille est quelque chose de complètement reconstruit. La vision du travail, du monde, des prisons et de la société, tout ceci est vraiment très très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Et le genre est également quelque chose de proscrit. Genrer les personnes est quelque chose d'absolument honni, en fait, dans cette société. Notre narrateur, lui, par contre, adore genrer tout ce qu'il peut. Et au début, c'est vrai que c'est un narrateur complètement... il est très attachant dans tout ce qu'il a de détestable, Mycroft. Et on se demande un peu où va aller Ada Palmer avec tout ça. Et dans le deuxième tome, en fait, elle nous montre toute l'étendue de sa réflexion sur la question du genre, et sur la question de reformer des sociétés sans avoir eu le temps de réellement aller jusqu'au bout de ce qu'on veut déconstruire. À savoir reproduire des oppressions en ayant voulu les faire partir. Je ne sais pas encore, parce que je n'ai pas lu la suite, quelles vont être les conclusions, ou plutôt les pistes qu'elle va nous apporter, mais j'ai trouvé ça absolument brillant. Dans les bouquins de River Solomon, elle se sert de la SF, elle se sert d'une histoire de vaisseau-colonie, pour tout simplement mettre les lecteurs de SF et le lectorat de SF, qui est quand même très très blanc, le nez dans les conséquences de la colonisation et de l'esclavage. Mmh. Ça, j'ai trouvé ça très brillant. Le roman, en plus, est absolument, absolument bon. Et j'ai trouvé que c'était quand même un sacré tour de force, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le lectorat qui ne seraient peut-être pas allées lire des livres sur les conséquences de l'esclavage, et qui, là, a dû le lire. Et c'est vraiment un très très bon roman. Et Becky Chambers, elle nous propose des récits qui peut-être peuvent sembler très contemplatifs ou très naïfs, mais elle met en scène concrètement des futurs dans lesquels la question du care dont vous parliez tout à l'heure, du fait de prendre soin les uns des autres et d'avancer ensemble, est absolument cruciale, même dans des moments de grande détresse, qu'elle soit politique, sociétale, émotionnelle, individuelle. Et dans sa dernière novella traduite, qui s'appelle en français « Apprendre si par bonheur », elle parle justement de conquête spatiale, ou plus précisément de recherche sur les exoplanètes. Et on va suivre un groupe de personnes qui part en mission, une mission privée, car les financements publics n'existent plus, pour enquêter sur des exoplanètes, et donc sur la faune qui potentiellement y habite. Ils partent en sachant que... via la relativité, ils vont s'éloigner en termes temporels et spatiaux de la Terre. Ils ne reviendront peut-être pas à temps pour revoir les gens qu'ils aiment, d'ailleurs sûrement pas. Et ce qui a quelque chose de très intéressant, je trouve, dans ce roman, c'est qu'ils arrivent sur les planètes transformées adapté à la planète. Il y a un process, entre guillemets, cyborg, qui fait qu'ils arrivent pour ne pas conquérir en fait la planète. Ils sont le plus possible adaptés et ils ont une sorte de pacte de non-agression envers la planète en fait. Alors, ça, pour moi, c'est très queer. Quelques références comme ça aux débeautés. On vous a mis évidemment tous les liens sur notre fil Twitter @lamethodfc. Ada Palmer, c'est la trilogie Terra Ignota, le deuxième tome que vous évoquiez, le premier tome trop semblable à l'éclair. On avait eu la chance de rencontrer Ada Palmer aux Utopiales, où nous étions rencontrés d'ailleurs Sabrina Calvo il y a quelques années. Cette réédition, c'est le deuxième tome. Le troisième tome, La volonté de se battre, tout ça, c'est au Bélial. River Solomon, c'est aux Forges de Vulcain. Je crois que le roman dont vous parliez, c'est L'incivilité des fantômes, hein, c'est ça? Tout à fait. Oui. Ouais, voilà, il y a également les abysses, tout ça, c'est aux Forges de Vulcain. On vous met de toute façon toutes les références si vous voulez les retrouver. Sabrina Calvo, vous parlez de ce futur désirable. Vous pensez qu'une littérature queer de science-fiction, c'est nécessairement... Parce que par exemple, quand on regarde Toxoplasma, c'est tout de même relativement noir, c'est assez sombre encore dans la narration. Votre héroïne Nikki Chanson, vous la décririez comme une héroïne queer? Non, je crois pas. Moi, encore une fois, je vous ai dit, mon rapport au queer, il est vraiment sur l'intimité, quoi. Donc, je sais pas si je pourrais avoir des représentations queer correctes de personnes, des représentations queer correctes de société, oui, parce que d'une certaine, enfin, correcte, pour autant que je puisse juger à l'aune de ma sensibilité, comment imaginer un endroit qui me semblerait cohérent, possible. Ce qui est sombre dans Toxoplasma, et ce que je pense est sombre aujourd'hui dans la question queer, et ce qui est sombre aujourd'hui dans la question de nos identités et de notre civilisation, c'est qu'on se demande comment est-ce que on va pouvoir sortir de l'espoir et aller vers une manière concrète de changer le monde autour de nous pour que ça serve à quelque chose. Alors, je veux bien que la littérature serve pas à changer la réalité, mais elle sert à changer des gens qui lisent, et ces gens changent la réalité, et notamment les nouvelles générations. Donc je pense que c'est extrêmement important, nous, de montrer à quel point on peut dégager finalement le futur et dégager le présent vers des endroits où soudain on se dit qu'il y a un espoir pour tous les gens qu'on aime. Il y a un espoir pour tous les gens qui souffrent, il y a un espoir pour cette idée de l'égalité, de la diversité, mais on peut pas non plus fermer les yeux sur le fait qu'on est en train de se faire tabasser la tête par des faf en ce moment, quoi, et que ça va durer pendant un certain temps, et que notre réalité, c'est celle-là. Aujourd'hui, on est dans nos sociétés, on va dire, néolibérales, démocratiques, cette espèce de résidu de démocratie qu'il y a, on est encore dans un deux doigts de la barbarie, parce que aujourd'hui, ce qui nous sépare de la barbarie, c'est l'économie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est grave, quoi. On en arrive là. Et donc, du coup, on n'est pas dupe. En tout cas, moi, je suis pas dupe sur les luttes qu'il y a à mener aujourd'hui, les luttes qu'il va falloir mener demain, et les luttes qu'il va falloir mener en dehors de nous et à l'intérieur même de nous-mêmes et dans notre propre camp. Je veux dire, aujourd'hui, la science-fiction est en proie à des vieilles machineries comme ça, patriarcales et virilistes, qui broient finalement toutes les nouvelles générations et toutes les personnes qui jusque-là n'avaient pas eu cette parole et qui sont tout de suite botté en touche, quoi. Donc oui, c'est noir, parce que aujourd'hui, la réalité queer, c'est de dire que c'est pas simplement chouette de rêver un futur avec un arc-en-ciel, mais c'est aussi de savoir que ce futur d'arc-en-ciel va peut-être sortir de nos ventres et triper, quoi. Vous voyez, et que combien il y aura de générations après nous pour que les enfants et pour que les gens puissent enfin être libres de se considérer comme ils ont envie de se considérer, d'être libres d'être responsables de leur conscience et de leur sexualité comme ils en ont envie, et d'arrêter de se le faire dicter par des grandes traditions ou des grands principes de rayonnement de civilisation qui sont de toute manière des instruments aux mains des oppresseurs pour préserver la corruption, quoi. Eva Sinanian, vous pensez que les tristes événements réactionnaires liés au prix Hugo en 2013 et 2017, hein, ces espèces de bouffées fascistoïdes de l'extrême droite, les rabid puppies, les sad puppies, aujourd'hui, ça c'est du passé ou c'est encore du présent? Ça veut dire qu'il y a finalement dans une part encore conséquente, en tout cas suffisante pour s'exprimer sur ce type de coup d'éclat dans le lectorat de la science-fiction, une large part de gens qui sont plutôt très à droite et encore représentant de cet ordre oppresseur que décrivait à l'instant Sabrina Calvo? Si j'en crois la société et le fait qu'on n'est pas exempt du reste de la société, oui. Mais après, j'ai pas de... On n'a pas vu de harcèlement à ce point, en tout cas dans le milieu français. Par contre, ce qu'on a vu, c'est une grande ignorance. C'est, comme dit Sabrina, une façon de botter en touche et de faire taire les personnes qui pourraient avoir un avis différent de celui de la norme. Quand le festival Fantastique Queer, qui s'est tenu l'année dernière, a annoncé son existence, ils ont eu des réactions très violentes. qui disait grosso modo, bah, pourquoi vous faites un festival pour vous, ça va, on vous accueille bien là où il faut. Non, sinon on ferait pas un festival pour nous, sinon on serait pas des tas de personnes à essayer de réfléchir à comment on s'organise et comment on met en avant et en valeur nos propres façons d'envisager la science-fiction. Et puis ça se voit aussi tout simplement dans le dédain qu'il peut y avoir pour cette production littéraire, qu'elle soit du côté de la science-fiction, mais également du côté de la littérature, en fait, tout simplement. C'est encore très courant que, oui, la littérature soit vue comme un mauvais genre, et là, on est sur le mauvais genre au carré, quoi. Mmh. D'ailleurs, on nous a D'ailleurs, au début de l'émission, on nous a présenté comme étant un mauvais genre, non, je crois. C'est ça. Je me sens bien. Ouais. Ouais. Mais tant mieux. C'était un clin d'œil au camarade François Angelier, notamment. Oui, oui, non, mais que vous connaissez bien. Non, non, mais pas de problème. Mauvais genre, ça, moi, ça me va tout à fait. je trouve que c'était. Oh, pas trop d'exégèse à ce propos. Une question tout de même sur quelque chose d'important, c'est que on voit aujourd'hui, et d'ailleurs les détracteurs ou les tenants de cet ordre masculin ancien le dénoncent suffisamment comme une forme d'invasion supposée. On voit tout de même aujourd'hui fleurir dans les fictions. Vous parliez, Sabrina Calvo, des fictions Netflix, des personnages homosexuels, des personnages queer, des personnages trans. Tout ça apparaît de plus en plus. Il y a une forme de représentativité qui a tendance à se développer dans la fiction audiovisuelle, en tout cas, dans toutes les grandes séries de SF, dans Star Trek aujourd'hui, il y a des personnages gays, etc. C'est bien, c'est du pinkwashing, c'est tout de même une forme d'avancée, de progression, ou est-ce qu'au contraire, c'est, comme vous le disiez, une forme de récupération et on met tout ce petit monde dans des grilles bien fermées en disant, bah, regardez, vous avez votre visibilité, maintenant vous allez la fermer. Ouais, alors c'est un peu ça. Alors bon, je voudrais quand même mettre une nuance sur les grands méchants de droite qui sont des réactionnaires et qui sont des oppresseurs. La gauche, ça marche aussi, hein. Je veux dire, faut pas non plus croire que tous les faves sont à droite. Mais par rapport à ça, moi je suis un peu gêné par cette question parce que je crois vraiment que si on veut faire avenir un futur queer ou en tout cas un présent queer ou en tout cas le regarder et le laisser vivre, il va falloir qu'on s'interroge réellement sur ce que ça veut dire que de vivre non pas en dehors de la norme, parce que finalement quand on dit que c'est quelque chose de hors norme, ça veut dire qu'on pense que la norme, c'est le mode par défaut de la civilisation et de la société, et que le hors-norme est une espèce d'anomalie qui ne devrait pas être, mais qu'on tolère. Sinon, on les fout dans des camps. Hein. Et l'idée, ça serait plutôt de pas ça. L'idée, c'est ça de dire que finalement, il n'y a pas, que la question de la norme ne devrait pas se poser. Et le futur de queer, c'est un peu ça, quoi. C'est de dire que finalement, on est possible de composer nos consciences, on est capable de composer nos corps, on est capable de composer nos fringues, on est capable de composer notre sexualité comme on la veut, en fait. Et le problème de ça, c'est que ça ne peut pas se faire dans la rigidité de la structure sociétale et de la structure narrative de la société qui a produit ça. Et la série Netflix ont beau vouloir mettre autant de personnes trans, autant d'homosexuels, etc., on restera enquisté dans des histoires extrêmement stériles de réalisation de soi sur l'héroïsme, sur le dépassement, sur le machin, et il y a un affaissement finalement de la véritable énergie intime. Alors je dis pas que c'est systématiquement, encore une fois, je vais nuancer, moi j'ai vu des choses sur Netflix qui m'ont beaucoup plu aussi, et vous citiez tout à l'heure Sense8, c'est une bonne question, mais aujourd'hui, montrer des projets qui seraient des projets à la fois qui permettraient à la narration de se désintégrer pour pouvoir permettre des nouvelles formes d'intimité d'émerger, pour que des personnages qui ont cette intimité puissent formuler ces futurs désirables et que nous, dans le quotidien, nous puissions nous saisir d'outils de paroles, d'outils de paroles conjuguées et multiples, de partager quoi. Ça ne peut venir que si on défait le modèle traditionnel de la narration. Alors justement, il ressemblerait à quoi, Sabrina Calvo, ce nouveau modèle, cette nouvelle forme, ces nouvelles formes narratives qui cassent finalement ces parcours classiques romanesques de dépassement de soi, de franchissement d'épreuves, d'autoréalisation, d'élus, etc. Ouais, on va. Pour moi, c'est là où le queer est extrêmement juste et le queer extrêmement, me fait vraiment rêver et m'excite. C'est dans la notion même pas du fragment, parce que le fragment est une idée très romantique, encore une fois, mais encore que le romantisme révolutionnaire, ça existe, c'est pas quelque chose auquel on devrait tourner le dos, mais c'est de revenir à une simplification, mais à une Mais il y a une atténuation des effets dramatiques, déjà de base, énorme. C'est-à-dire de dire, on n'est pas obligé de rentrer dans des histoires pas possibles avec des gens qui s'inventent des histoires pas possibles, etc. On peut simplement se concentrer sur ce que les gens vivent, comment ils le vivent correctement, quoi. Et voilà. Moi, j'ai toujours dit que, enfin, la référence que moi je donne pour ça, c'est Chantal Akerman. Et alors peut-être qu'elle était queer, peut-être pas. Mais moi, je peux pas m'empêcher de penser que Chantal Akerman, elle parlait précisément de ces franchissements-là, de ces dépassements, de transgressions, mais pas de soi, de la réalité entière, de la société, de la discussion avec les autres. C'est un dialogue entre l'individuel et le collectif. C'est pas simplement l'individu qui se réalise lui-même, queer ou pas, c'est pas simplement le collectif qui avale toute forme de tentative d'individualisation ou de différenciation, c'est un dialogue permanent entre la nécessité d'exister et de rafraîchir notre identité, en permanence, c'est de plus en plus vite, hein, maintenant qu'on a des outils pour le faire, comme les réseaux sociaux ou l'ultra fast fashion, j'en sais rien, mais aussi de dire à quel niveau la société se dote de ses propres outils d'enfermement par sa propre narration, quoi. Et on le voit bien aujourd'hui, c'est là-dedans qu'on est. On est dans des espèces de schémas de compétition, de profit, de parallélisation, de comparaison, de connotation. Mais à quel moment on utilise des figures qui nous permettent de dégager vers la poétique de l'être, vers les chemins de conscience? Aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui demandent ça, et on va pas le résoudre en disant aux gens, on va continuer à vous fournir des histoires comme on en a écrit depuis 200 ans ou 300 ans, quoi. C'est toute la matrice de la restitution de la réalité par le récit qu'il faut interroger. Eva Sinanian, à ce propos, en réaction à ce que vient de dire Sabrina Calvo, ou éventuellement également sur bien petit à petit l'inclusion de plus en plus fréquente de personnages ou d'intrigues queer dans les fictions télévisuelles ou audiovisuelles contemporaines. Bah, moi, je crois qu'on voit beaucoup d'inclusion de personnages ou d'intrigues LGBT, mais pas forcément queer. C'est pour ça que je faisais la différence un peu plus tôt. Moi, je suis assez d'accord avec Sabrina sur le fait que pour avoir quelque chose qui remette en question les procédés narratifs et donc une certaine structure excluante de la société, il faut aller vers autre chose. Et c'est quelque chose qu'on doit construire collectivement, qu'on doit construire par morceaux, qu'on doit construire en essayant, en expérimentant, en imaginant. Et bon, pour moi, ça fait le... C'est quand même un peu tout ce qui fait le sel de la science-fiction. Et on voit aujourd'hui quand même des expériences collectives, des écrits collectifs, des écrits fragmentaires qui sont, de ce que moi j'en vois en tout cas, pas forcément publiés dans des maisons habituelles de science-fiction. Ça, c'est pour le côté publication, mais qui sont également accessibles en ligne, qui sont déclamés, qui sont réalisés dans des ateliers, dans des squats, dans des structures qui sont déjà en dehors de certaines structures et qui permettent une certaine liberté d'imagination. Ça va avec ses propres conflits en interne, ça va avec ses propres longues discussions sur des mots et des problématiques très spécifiques, mais c'est aussi comme ça, je pense, qu'on peut avancer de la façon que propose Sabrina, en fait. Voilà. Par fragments et dans les interstices, mais pour moi, il y a aussi cette tradition hein, des personnes entre guillemets marginalisées de s'organiser entre elles. Sabrina Calvo, en un mot pour conclure. Il faut donner la voix aux gens qui font l'expérience de cette vie queer et de cette vie hors norme aujourd'hui, quoi. C'est important, on les entend pas assez, quoi. Et de là naîtra le nouveau monde, quoi. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Un mot très rapide, Eva Sinanian, aujourd'hui, le rayon SF queer au mot à la bouche, il est suffisamment rempli. Vous avez suffisamment d'ouvrages pour tenir un rayon SF queer. Il y a un public, un lectorat en deux mots et demi. En deux mots et demi, oui. Ah, super. Bah écoutez, rendez-vous au mot à la bouche à Paris. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Merci Eva Sinanian, merci Sabrina Calvo, Toxoplasma chez La Volte. Bientôt une prochaine publication. Melmotte furieux en septembre à La Volte. Bah super, et on vous réinvitera pour parler de ça. Merci beaucoup à toutes les deux, merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Eve, Étienne, Céline Lozen, Dominique Gatsin, Vulfran, Natacha Trio, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Cazubert à la technique. Demain, avant-dernière émission de cette 5e saison, nous aurons le plaisir et l'honneur de nous entretenir avec un géant de la science-fiction, l'auteur de la trilogie martienne, d'une incroyable trilogie climatique, d'une uchronie où l'Europe, décimée par la peste, est conquise par l'Asie. Nous serons en compagnie de Kim Stanley Robinson demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire. Info, intox ou buzz, il est temps d'y voir clair. Nicolas Martin. Les masques servent-ils à quoi que ce soit contre le Covid? Est-il vrai que plusieurs souches du virus circulent? Mais parce qu'il n'y a pas que le Covid dans la vie, est-ce que le tout répressif contre les drogues est efficace? Le mouvement QAnon est-il un mouvement populaire? Et la 5G est-elle un complot de Bill Gates pour nous implanter des puces dans le cerveau? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais souvent des mauvaises réponses. Essayons ensemble d'avoir les idées claires. Les idées claires, une vidéo, un podcast, le mercredi sur franceculture.fr.